Tu voulais du lourd, tu voulais du neuf, tu voulais qu'on doute, tu voulais qu'on se loupe. Mais nous mettrons les bouchées doubles, revenons plus fort pour en découdre. Marmot pète-leur à la gueule. Je traîne pas mon cul dans les bains douches, je répondrai présent pour mettre une couche. Qui parlait de game quand les players sont sur la touche? Tacle à la gorge, vide de les cartouches. La manière de les cisailler sur une boucle, je transperce leur gonflette. À quoi sert de jouer les gros pecs? Je fais tomber les grosses têtes. Tu fais le beau, tu fais le show en discothèque. Tu fais 6 gros à ta table, y'a que des gos secs. Nuance entre la ficha et official. La vite star et la vite star. Un beat sale, je deviens visla. Sample et ma dalle devient vital. Billsta, on s'installe, on s'étale. Coup de calage, l'arc des rafales. Tellement la gouache, ils me prennent pour un rafat. La réfat, rien à foutre. Venu l'heure d'accepter leur défaite. D'accepter leur défaite. Ok. T'as senti la patate. T'as senti qu'on matraque. T'as senti que ça dégage. Laisse-nous faire notre place, laisse-nous faire les bails, on répond présent pour du live. T'as senti la patate, t'as senti qu'on matraque, t'as senti que ça dégage. Laisse-nous faire notre place, laisse-nous faire les bails, on répond présent pour du live. Le premier qui joue les gros bras, on le fait sauter, le chargeur est illimité, fallait pas venir m'irriter. Tu veux un feat, sors un bon beat, on fera le taf carré. L'album sortira dans les bacs, j'ouvre les portes sans avoir les clés. L'équipe au complet, j'aiguise mon couplet. MC, t'es bouche bée, ton vis, j'ai coupé. J'ai capté, j'ai saccadé, la vérité t'as pas baffé. La rigueur de mon taf te fait ma baver, mes douilles sur le pavé. Ma bouche une mitraillette, fais pas l'énerver, tu sens la patate sur nous, faudra miser. La misère, on la connaît, elle nous a cogné, elle nous a formé, elle nous a torché. Elle m'a adapté, le mode survie, fallait l'adopter, peu de tacté. Aucun de mes types en doc, tu l'as capté. Si tu fractures ma porte, ton temps est décompté. Calme tes ardeurs, fais pas le fanfaron quand t'es démonté. Ok. T'as senti la patate, t'as senti qu'on matraque, t'as senti que ça dégage. Laisse-nous faire notre place, laisse-nous faire les bails, on répond présent pour du live. T'as senti la patate, t'as senti qu'on matraque, t'as senti que ça dégage. Laisse-nous faire notre place, laisse-nous faire les bails, on répond présent pour du live.